les métis s'érim. Sans sa femme courir. Je vis au jour le jour même si ça me bousille. J'ai soufflé mes 23 bougies tant que mes nymphos se bougent. Mon rap c'est une arme et en même temps mon associé. Je lui confie mes soucis, mes problèmes quand j'en ai trop chié. Souvent victime d'être bronzé, j'ai jamais soulevé le trophée. On vit dans un pays de racistes où la confiance est coffrée. Ils veulent nous endormir, c'est clair comme dans les bras de Morphée. On fait tout pour avancer avec des bâtons dans les roues. Je veux pas être accro à l'héros ou finir derrière les écrous. Au micro je fais pas la morale. Je dis comment ma vie se déroule, pas trop mal jusqu'à maintenant. Même si leur loi me dégoûte, je vis au jour le jour et dans ma tête y'a plein de doutes, des questions sans réponse. Qu'il faut absolument que je trouve. En tout cas j'ai la certitude, l'authenticité de mon groupe. On travaille sur du conscient, l'âme sombre faut que tu découvres. Les petites chez moi deviennent barges avec votre rap de Haïkoun. C'est pas facile d'être calme, quand le shit t'entoure. Faut pas péter un câble, ça peut tuer des sales tours. Reste sur tes objectifs frère, et n'écoute pas les vautours. Se faire tout seul c'est dur, mais ça te forge pour ton futur. Et comme t'as l'occasion petit frère, ne lâche pas les études. Car tu vas galère comme nous, à vadrouiller pour de la thune. Tu te lèveras tôt pour péter le dos avec un patron de Tu comprendras tes parents quand ils te disent que la vie est dure. Moi je l'ai compris très tôt, je me suis réfugié dans l'écriture. Ça fait 10 piges qu'on pose maintenant et qu'on emmerde cette patrie. Qu'on dénonce le système sur du piano et de la batterie. Je reste un militant au micro, j'ai de la répartie. Je sais pas pour qui voter pour qu'en France on soit épanoui. C'est le pays de mon enfance mais aussi celui qui m'a haï. On baisse le FN et leur discours qui nous rend naïfs. On reste des anarchistes, ça va péter quoi qu'il arrive. حياتنا ولات صعيبة يا خويا اصبر وكان ديها في ربي يهدينا يسهل علينا والله يعاون حياتنا ولات صعيبة يا خويا اصبر وكان ديها في ربي يهدينا يسهل علينا والله يعاون. Sans famille, ça fascine mais c'est pas facile. On s'investit dans le sang, y'a une faille, on s'y profile. Pas trop style, apprécié au micro, ça devient hostile. Réfléchis au lieu de gober les médias comme une hostie. On ose dire la vérité, le nouvel ordre conspire. Distille nos idées, voilà à quoi le morceau consiste. On vise la diplomatie, dénonce les vrais parasites. Première offensive, on se rebelle quand on est un raciste. Réalise, on nous joue pas de rôle, on reste réaliste. Militant, on ne vend pas du rêve, on n'est pas des artistes. On fait la dit, un stylo à la main. Y'a pas de flémardise, maîtrise les mots pour contrer ce que les bâtards disent. T'as compris, y'a que sur les prods qu'on se confie. On se travestit pas avec nos moyens, on te conquis. On n'est pas de ceux qui se déguisent et font des comptes. On a gardé la même devise, encore une fois je le confirme. C'est précis, t'apprécies au micro, authentique MC. Apprécie, t'es pas satisfait, envoie ta critique. Ça me rendra pas dépressif, j'arrêterai pas la musique. L'unique moyen d'évacuer la rage qui m'attise. La traîtrise, la laisse à ceux qui ne rêvent que de succès. Tu le sais, c'était pas l'objectif que je me suis fixé. T'as saisi, j'avance sans jamais faire le suceur, c'est sûr et certain. Je donne ça pour les connaisseurs. Abîmer mes connaissances, éveiller la populace. Voilà ce qui me tient à cœur et ce qui m'évite de parler finance. Ce domaine est si dense. À mon âge, il faut que je me lance, rien à perdre. Au pire, j'aurais fait part de ce que je pense. Mets-toi sur la bonne fréquence, ne laisse pas les faux proliférer. Retiens mon place, même si dans le rap, je suis recalé. Personne pour m'encadrer, seul tout, je viens bombarder la région. Prends garde, l'offensive est déclenchée. حياتنا ولات صعيبة يا خويا اصبر وكان ديها في ربي يهدينا يسهل علينا والله يعاون حياتنا ولات صعيبة يا خويا اصبر وكان ديها في ربي يهدينا يسهل علينا والله يعاون حياتنا ولات صعيبة يا خويا اصبر وكان ديها في ربي يهدينا يسهل علينا والله يعاون حياتنا ولات صعيبة يا خويا اصبر وكان ديها في ربي يهدينا يسهل علينا والله يعاون. Nous avons des jeunes à qui la société ne donne pas le sentiment qu'elle les attend, qu'elle a besoin d'eux et qu'elle va leur donner une chance de faire une vie normale. Et ça, c'est le phénomène qui me trouble actuellement.